Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous. Installez-vous confortablement. Marc et moi, on vous a préparé un bon 2 heures de rock progressif avec des nouveautés. Et on commence avec d'ailleurs une nouveauté en provenance des Pays-Bas de Foundation. La semaine dernière, on vous a présenté un premier extrait de l'album qui a pour titre Relations. Ce soir, on vous en présente une seconde. La pièce a pour titre Rubber Band. Et puis de Norvège, Magic Pie avec le plus récent album Maestro. Et puis Marc, par la suite, on va avoir une nouveauté en provenance d'Italie. Oui, il s'agit de Diego Petrini, qui est un batteur claviériste qui faisait partie des membres fondateurs et compositeurs principaux de Il Bacio della Medusa, une formation qui a vu le jour au début des années 2000 et qui avait fait paraître, entre autres, leur excellent album Discesa agli Inferi di Giovanni Amante, qui signifiait la descente aux enfers d'un jeune amoureux. Une formation qui a fait paraître en tout 5 albums dans les années 2000. Donc ici, ce qu'on a pour vous ce soir, c'est un extrait du premier album solo de cet artiste. Le disque a pour titre La Materia del Suono et dont la parution est prévue pour le 20 juin prochain. C'est un album concept entièrement instrumental qui résulte de plusieurs années de composition au piano. Et on flirte ici avec le jazz rock, le fusion, la musique classique, lyrique, ethnique, folk. Alors, c'est très varié. Il y a également beaucoup de mini-moog, mellotron et également des passages de flûte et saxophone qui sont joués par Eva Morelli de Il Bacio della Medusa, justement. Et donc, la pièce qu'on aura pour vous ce soir a pour titre La Plastica. Mais tout d'abord, comme vous le disait Michel, on débute cette émission avec un nouvel extrait du nouvel album de la formation de Foundation. We'll be right back. To realize plenty. Ignorant and ready to take life in your hands. Any place will welcome you. We'll be right back. De retour à Terra Incognita avec Marc Chaunet et Michel Bilodeau. Pour lancer cette nouvelle demi-heure, on va vous présenter un extrait du tout nouvel album de JPL, Jean-Pierre Louveton, guitariste de Nemo. C'est son 12e album solo et le titre de l'album, c'est Postscriptum. Ce soir, on va voir la pièce titre et puis de Norvège, Moonsoon. Un album qu'on apprécie beaucoup, c'est East of Asteroid. Ma foi, je pense qu'on a présenté à peu près toutes les pièces de cet album, sauf celle-ci, le Vitriol Avenue. Et puis Marc, par la suite, on va avoir une nouveauté en provenance d'Allemagne. Oui, c'est la formation Mirax, qui a présenté un premier album en 2019, un album éponyme, et qui vient de présenter récemment son second album, qui a pour titre Rocks. Ils sont de Berlin et leur style mélange le néo-prog, le métal, le rock et la pop. La pièce qu'on a choisie pour vous ce soir a pour titre « If the Music Dies » et ce sera suivi de la formation Kusanagi. Ils sont de Liverpool, au Royaume-Uni, ils ont été formés en 2011. C'est un quatuor et ils viennent de présenter, vendredi dernier, leur troisième album intitulé « Paramnesia ». Et la pièce qu'on a choisie pour vous ce soir a pour titre « Polymorph ». Mais tout d'abord, comme vous le disait Michel, on débute ce second bloc de l'émission avec un nouvel extrait du nouvel album de JPL. Y a-t-il encore à espérer ? La bêtise est-elle infinie? N'a-t-on vraiment qu'une vie? Qui commande notre destin? Est-ce le début ou bien la fin? We'll be right back. still remember a human face, a touch so tender, living through our screens. Can you hear my scream? Do you know my trouble? Do you know the secret of me being humble? May I know your scream? May I know your trouble? May I know the secret of you being humble? The answer to these can only be found by yourself. Close your eyes and listen to

De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Dans le prochain bloc musical, on aura entre autres la formation italienne Submarine Silence, fondée en 1996 par le claviériste de Moon Garden, Cristiano Robertsi. La formation a fait paraître 6 albums entre 2001 et 2025. Leur plus récent album, Atonement of a Former Sailor Turned Painter, est paru en début d'année. On a eu une émission spéciale d'ailleurs avec cette formation. Alors si vous l'avez manqué, on vous invite à aller faire un tour sur notre site web terraincognita.québec dans la section radio pour pouvoir accéder au podcast de nos émissions passées. Alors, ce qu'on aura pour vous ce soir, c'est un extrait de ce nouvel album. C'est une longue pièce, la longue pièce titre, qui fait plus de 21 minutes et qui est composée de 8 pièces. On aura 6 de ces pièces, les pièces 2 à 7. Et pour débuter le bloc musical, Michel, une nouveauté d'une formation du Royaume-Uni. Oui, il s'agit de The Book of Revelations, un groupe qui a été mis sur pied en 2017 par le multi-instrumentiste Gerard Freeman. The Book of Revelation a présenté son second album en mai dernier sous le titre de Chapter 2, Olympus Mons. Le premier album est paru en 2023 et vous imaginez que c'est Chapter 1 et c'est The Plumes of Enceladus. Et on vous présente comme premier extrait Debacle in the Retirement. I just wanna sorry for the masquerade. I will stand in a stride. Skip by the spade, my mind sank like a stone. Thoughts in disarray, some were deep, some were unknown. Oh, sans peu raison. Je chante en allant deux. Ne pas oublier ça, ne pas oublier ça. Mais les marées à monter, l'eau est sac à nager. Dans le prochain bloc musical, on aura entre autres la formation multinationale de Guild Master, composée de Alessandro Di Benedetti, Marco Bernard, Raphaël Pacha et Kimo Porsti, qui sont des membres de Samurai of Prague, pour ce plus récent album qui a pour titre Gathering of Souls, vraiment excellent. C'est leur troisième en carrière. Leur premier, The King of the Ghost, était paru en 2020. Leur second, Liber de Dictis, en 2022. Et celui-ci, donc, paru en 2025, on aura la pièce d'ouverture, une pièce instrumentale composée par Kimo Porsti, ce batteur finlandais, qui a pour titre The Crusade of Earl Birger, qui fait référence aux chroniques de Eric qui avait été écrit en 1320. qui relatait la seconde croisade en Finlande par l'armée suédoise qui était dirigée par Earl Birger contre le peuple des Amé au 13e siècle. Mais tout d'abord, pour débuter le bloc musical, Michel, une formation de jeunes Norvégiens qui fait un beau clin d'œil au rock progressif des années 70. Oui, il s'agit de Soft Fog, un groupe qui a été mis sur pied en 2016 et qui était supposé ne présenter qu'un seul concert dans le cadre d'un festival de jazz en Norvège. Effectivement, tous les musiciens étaient occupés à divers projets et il a fallu attendre 6 ans pour qu'un premier album apparaisse. Le groupe est constitué de musiciens provenant de diverses formations, dont le leader et principal compositeur Tom Aslan, qui lui fait partie de Crocophant, comme le guitariste Axel Skalstad, et puis on retrouve aussi des membres de Wizard et de Red Kite. En mai dernier, le groupe a présenté son second essai intitulé Focus, et ce n'est pas un hasard puisque on retrouve la pièce Focus sur cet album ainsi que la pièce Pocus. Donc c'est un hommage au groupe néerlandais Focus. Une pièce a pour titre Camel, et vous devinez à qui on fait allusion. Et la dernière pièce a pour titre Oh Jimmy, et là ben il s'agit de Jimi Hendrix. Ce soir on vous propose la pièce qui ouvre l'album, c'est-à-dire Camel. Thank you. Pour conclure l'émission ce soir, on a sélectionné une pièce du plus récent album de la formation finlandaise Viima. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'être fidèle au rendez-vous. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la page Facebook de Terra Incognita. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et on vous souhaite une excellente fin de soirée à l'écoute de CKRL. L'autoroute suit dans quelques instants. Mikä joskus oli niin kaunista, vapaana virtaavaa, missä taivasta sai kauan katsella. Rahaksi muutettiin. Thank you. lapsi vain. Uinuin äitisi rinnalla, häneltä kaiken sait. Perinnön olet käyttänyt, et kylvänyt, jäljellä nyt vain kaduilla, vääryydet kaivi.